Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. La playlist. C'est parti pour une nouvelle playlist, cette fois-ci sous le signe de la variété et du contraste et pas dans la monomanie britannique. Deuxième invité, eux, autre membre d'une team de meufs, c'est avec une dextérité digitale incroyable que la musicale femme que je reçois ce soir a sélectionné ses titres préférés pour les partager avec vous. Nous sommes le 5 novembre 2015 et c'est parti pour la playlist d'Apollinerd. Comment ça va, Apollinerd ? Ça va très bien, je te remercie. Et toi-même ? Enfin, allez, il fait un petit peu tard, puis deux enregistrements à la suite. Trop de boulot, quoi. Trop de boulot. Tout ce podcast, toute cette pression. Est-ce que tu vas réussir à nous parler de musique pendant un peu plus d'une heure ? Oh, ça devrait pas me poser trop de problèmes, je pense. Je pense que t'as de bonnes bases. Oui, on va dire. J'aurais plein de questions à te poser après, d'ailleurs. Très bien. J'ai hâte. Voir. Tu seras notre référent musicienne. Oui, faut pas exagérer. Pas exagéré. Par contre, quand tu dis les titres préférés, c'est difficile. Hein. Faire un choix de 10 titres, ça a été compliqué quand même. Et c'est le but. J'adore voir les gens se torturer. Ah, bien sûr. Alors, on va attaquer déjà. On va commencer avec de la chanson française de 1968, avec un titre issu de l'album Le Soleil Noir de Barbara. J'ai écrit Barbare, c'est bizarre. Une gueule de nuit. Gueule de nuit et je vais, je viens, je pense, pense. Je suis pas du jour, gueule d'amour. D'ailleurs, je suis de Montparnasse, Nasse. Cherchez pas de mystère, j'en ai pas. J'ai bon caractère, mais faut pas. Trois pouces grand-mère, d'un faux pas. Oui. J'ai l'impression que tu as une histoire avec cette chanteuse Barbara. Oui, oui, elle me suit depuis pas mal d'années, hein, de toute façon. J'ai choisi cette chanson en particulier d'elle parce qu'elle a vraiment un côté cabaret, quoi. Et on la voit souvent comme une chanteuse triste, déprimante, déprimée, ce qui est faux. Elle a vraiment, quand on l'écoute en interview, elle est parfois vraiment très drôle. Elle avait beaucoup d'humour, bon, elle avait piqué ses crises, hein, comme toute diva qui se respecte, mais c'était une chouette personne qui aimait rire aussi. Et je trouve que cette chanson particulièrement reflète ça également, voilà. Elle a un petit côté valse, cette chanson, un peu bah, rapide. Là, c'est un peu... une valse, clairement, et puis après, il y a deux parties assez distinctes, ouais. Là, ouais, c'est une partie valse. Culture musicale, quand je me tiens. Ouais, non, tu en sors bien. J'ai du bol. Alors, pourquoi celle-là, exactement ? Tu nous as dit... Bah, le côté cabaret, ouais. Cabaret, joyeuse chanteuse, mais pourquoi cette chanteuse Barbara ? Et bah, gueule de nuit... Enfin, déjà, gueule de nuit, ça parle vraiment de la soirée où tu te bourres la gueule, et puis le matin, quand tu sors de ton bar et que finalement le jour se lève, ça m'est un peu arrivé de temps en temps, voilà. Est-ce que c'est un peu une chanson de nana parisienne ? Non, faut pas exagérer. Déjà, pourquoi nana parisienne ? Nana, c'est culturel, peut-être ça de fait parisien. Référence à plein de choses. Tu vois, peut-être de parisien, mais pas tous les parisiens sont... Tous les parisiens ne sont pas fêtards, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a quelques-uns, mais... Mais puis bon, je sais pas, je trouve qu'elle fait très années 50-60, justement, et... J'aime bien les chansons avec un charme désuet, comme ça. Voilà, et puis je trouve qu'elle donne beaucoup d'émotions, malgré tout. Beaucoup d'optimisme, en fait. Pourtant, le titre de l'album, Le Soleil Noir... Non, ouais, c'est très trash. C'est assez trash, ce titre d'album. Mais je le connais moins bien que les autres, celui-ci. C'est vraiment parce que j'avais piqué une anthologie quelque part, qu'elle était dessus, et elle m'avait marqué. Voilà. T'es du genre à collectionner les CD, les vinyles, surtout les artistes que t'aimes bien ou pas du tout ? Alors, les CD, oui, les vinyles, malheureusement, je n'ai plus de platine. Gros regret, mais je ne désespère pas d'en avoir une prochainement. Parce que j'ai quelques vinyles quand même à la maison, surtout de musique classique. Et oui, bah, quand ce sont des cadeaux, parfois j'achète aussi des CD parce qu'il arrive que des artistes ne veulent pas mettre leur musique en streaming. Certains albums de Prince, par exemple, c'est introuvable. Voilà, donc ouais, ça m'arrive d'essayer de me les procurer, soit dans des boutiques, des disquaires qui collectionnent des disques rarissimes qui sont en épuisement, ou alors sur Amazon, j'avoue. Des fois, j'en trouve. Et ouais, quand on les trouve nulle part, sauf là, qu'est-ce que tu veux. Il n'y a plus que là. Et tu fouines pas dans les foires à tous les bacs, les magasins. Ah, moi j'adore fouiner chez Gibert. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait là, mais chez Gibert c'est fabuleux. C'est quoi ça? Gibert Joseph, tu sais, c'est le magasin où on achetait nos manuels scolaires. Et ils ont un magasin de disques, c'est typique à Paris. Je sais pas si on en trouve en province, mais c'est un style de Fnac ou Cultura de produits d'occasion. Il y en a des neufs aussi. Donc si tu veux, tu trouves parfois des merveilles à pas cher du tout, quoi. Et d'ailleurs, j'y avais fait un petit tour avec... Je me demande si j'étais pas allée avec Ororo, ou alors je confonds. Ah non, ça y est, le name-dropping. Ouais, ça y est. Tu parlais de ce côté cabaret. Ouais. T'es attirée par cette ambiance de cabaret, apparemment? Ah bah tout le temps, et puis même, c'est un peu mon métier. C'est depuis quelques années là, je suis pianiste pour ceux et celles qui ne le savent pas, et ça m'arrive de faire des spectacles de théâtre musical, et du coup souvent des cabarets, quoi. Voilà, et on fait majoritairement de la chanson française, hein, dans ces cas-là, du 20e siècle ou même du 21e, qu'on met un peu pas au goût du jour du tout, vu que c'est plutôt... Mais au goût du passé... Soit au goût du passé, ou alors on modernise des chansons un peu... Enfin, en tout cas, dans un spectacle où j'incarne Barbara, justement. Ah. C'est pour ça qu'elle me suit pas mal. Ouais. On en fait pas mal, des chansons comme ça. Qu'on remet un peu au goût du jour, ouais. Si on l'a, pour le coup, comme c'est un cabaret sur les années 50... On ne s'est pas contenté de faire des reprises à l'identique. Voilà. C'est amusant ce parallèle entre toi et Barbara. Mm. Quand je regarde certaines photos, on pourrait presque vous confondre. Ouais, alors, oui, parce que j'ai... Je suis myope. Du coup, comme le spectacle est encore en exploitation, j'ai toujours la coupe. Ah, d'accord, donc c'est pour ça. Bah, c'est ça. Peut-être que quand on jouera plus du tout ce spectacle, et j'espère que ça arrivera le plus tard possible, bah, je changerai de tête. Enfin, ça y est, elle peut se débarrasser de cette coupe de cheveux, c'est pas possible. Donne, tu nous as pas dit c'est quoi le nom du spectacle? La bande du tabou. Je crois qu'on en avait parlé dans Queen de Vie, j'ai l'impression. Exactement, et il y avait eu un petit reportage de Simon. Reportage par Simon. Ouais, exactement. Bon. On va quitter la chanson française. Oui. Et on va aller vers du classique de 1928, si Wikipédia dit des choses vraies. classique, oui, c'est de la... Enfin, oui, c'est de la musique classique, mais pareil, on peut la rapprocher un peu du cabaret. Alors là, il va falloir que tu m'aides, parce que je suis incapable de prononcer le nom de ce machin. Zuhälterballade. Voilà. La ballade du souteneur dans l'opéra de Katsu. En allemand, c'est dit Dreigroschenoper, de Kurt Weill et Bertolt Brecht. Voilà. Merci, c'est tellement bien. Je t'en prie. In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. so hielten wir sein gutes halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war. Pourquoi ce livre? Ah là là, pourquoi? Bah déjà, l'opéra de Katsu, c'est un souvenir personnel aussi de spectacle qu'on avait monté au conservatoire où je travaille en partenariat avec une école de théâtre. Et déjà, c'est un fabuleux souvenir de production, mais en plus, cette musique, j'ai découvert vraiment Kurt Weill à ce moment-là. Je trouve que c'est d'une sensualité extraordinaire, surtout ce passage. Et puis, l'opéra de Katsu, c'est aussi un des premiers opéras anticapitalistes, quoi, vraiment, je trouve. Parce que il met en scène des souteneurs, des putes, des espèces de caïds de quartier, de mafia, ça se passe dans Londres. Et puis, ça parle que de pauvres, quoi. Il n'y a que des gens pauvres et... Et le seul un peu riche dans l'histoire, c'est le chef de police. Et encore, il est très pote avec le chef du gang. Donc voilà. Et il y a un mélange dans cet opéra d'un peu tous les styles. Kurt Weill, il a réussi quand même à mélanger l'opéra, le jazz, la chanson populaire de cabaret, même le choral luthérien, qui est vraiment la forme de musique allemande prépondérante, quoi. Et avec le théâtre de Bertolt Brecht, qui est un théâtre très social, quoi. Moi, j'adore. Franchement, je trouve que c'est une œuvre très, très forte. Et puis, voilà. Et puis, c'est la première fois que j'ai dirigé un orchestre. C'était là-dessus. Donc, c'est évidemment un souvenir personnel très fort, quoi. Voilà. Mais c'est pas magnifique, ça, hein? Disons que ça parle allemand. Donc, tout de suite, il y a un blocage psychologique. Allemand. Nous, on l'a monté en français. C'était possible. Il y avait une traduction qui existe. Ouais, ça a moins de gueule en français quand même. Content de regarder sur. Merci Wikipédia. Il va falloir que je fasse un don un jour parce que alors là, Maki le surinor, l'ami du mendiant, le chef suprême de la police, Jenny Delupanard, une prostituée. Ouais, c'est elle. Hein, ouais. Jacob les doigts crochus, Robert Lassie. Ah oui, c'est quand même. C'est pas le mariage de Figaro, quoi. Non, mais par contre, il y a un peu une parodie. Il y a une parodie de. Enfin, ils font un mariage pendant, pendant le premier acte. C'est assez rigolo. Non, c'est rigolo, c'est de l'humour noir en même temps. Enfin. Et puis là, c'est, ce qu'on entend, c'est un peu un espèce de tango à l'allemande, quoi. C'est vraiment. On est là, on est dans le bordel avec Maki et Jenny, justement, la chef des prostituées. Et là, ils se souviennent de quand ils étaient ensemble, quoi, et qu'ils faisaient leurs coups ensemble. Non, je trouve c'est assez. C'est un peu crade, quoi. C'est en même temps, c'est sensuel et en même temps, c'est crade. Je trouve que le théâtre allemand, c'est très fort. Alors, voilà. À l'origine, tu avais proposé un autre morceau. Pourquoi tu l'as remplacé par celui-là? Bah, parce que celui-là, c'est un souvenir plus fort dans ma vie de musicienne que l'autre. L'autre, c'était une gymnopédie de Satie orchestrée par Debussy. C'est très beau. Hein. Et puis, je trouvais ça particulièrement triste comme morceau, même si j'aime beaucoup Satie. Et là, c'est triste aussi, mais ça raconte plus de choses. Je trouve. Et puis, ça me raconte, moi, en tout cas, de mon histoire, beaucoup plus aussi. Alors, tu n'as jamais tenu de bordel. Hein. On peut le dire ici, il n'y a aucun problème. Non, mais bon, je pense qu'à l'époque, j'en aurais tenu un. Écoute, c'est un métier comme un autre, après tout. Chez Apo, il y a tout ce qu'il faut. Chez Madame Apo, peut-être. Madame Apo, oh là là. C'est ça. Je ne veux pas imaginer les spécialités. Oh, écoute. Il faut ce qu'il faut, c'est le business. Voilà. Mais tu crois que ce serait un bon opéra pour introduire les gens à l'opéra? Bah, c'est particulier. Hein. Enfin, c'est... Je ne sais pas, introduire les gens à l'opéra... Bah, ça m'arrive de le faire avec des copains. Généralement, je le fais plutôt avec de l'opéra italien ou du Mozart en italien. Mais ça, c'est quand même un spectacle assez particulier en soi. Enfin, Déjà parce que c'est Bertolt Brecht. Non, bah pour mettre les gens à l'opéra, ça peut être une façon. C'est, pour moi, c'est pas clairement représentatif de ce que peut-être l'opéra, parce que je trouve déjà ça sort un peu des sentiers battus. Et puis c'est de l'entre-deux-guerres, tu vois, c'est une période en Allemagne quand même très particulière, où ils sont totalement tous dans la pauvreté, ils viennent de se faire latter la gueule par les Français. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un peu la décadence, tu vois. Et justement, Brecht a écrit là-dessus et il en a fait ressortir un peu toute la merde, quoi, vraiment. Donc bon, déjà, c'est très, très ancré dans une époque. Tandis qu'un opéra italien, mettons Verdi ou autre, bon, c'est, je sais pas, c'est peut-être moins proche, j'en sais rien. Opéra italien, ça m'évoque tout de suite la Commedia dell'arte, le Faste, peut-être le grandiloquent, c'est moins... La Commedia dell'arte? Ah ouais, alors pas tout à fait dans tous les opéras, hein. Alors, j'ai une culture microscopique. Hein, donc ça, c'est spécial. La Commedia dell'arte, déjà, c'est plutôt de la... La Commedia, c'est du jeu très particulier de théâtre. Ça peut être du jeu au masque. Et puis, c'est... Là, d'accord, oui, c'est très expressionniste, mais c'est pas ce qui caractérise tout l'opéra. L'opéra, c'est grandiloquent, ça, c'est vrai. Oui, c'est des grosses dames qui meurent pendant 2 heures. Exactement, voilà. Sur une scène, oui. Ouais, qui mettent du temps à mourir. Ça, qui mettent du temps à mourir. Un petit peu, ouais. Mais c'est beau quand même. C'est un opéra qui était ouvertement politique. Oui, assez quand même. Hein. Enfin, quand on lit la pièce de Brecht qui s'appelle d'ailleurs l'opéra de Katsu, alors que ça. Ça n'a pas été mis tout de suite en musique, j'ai pas l'impression, hein, si je dis pas de bêtises. Déjà ça s'appelle comme ça, et puis c'est aussi un pastiche d'opéra. C'est-à-dire que dans cette œuvre-là, il y a des moments qui imitent l'opéra, avec des récitatifs un peu à l'ancienne justement, et qui reprend des vieux styles, par exemple du 18e ou du 19e siècle. Et c'est assez drôle de voir un opéra du XXe siècle faire ça, quoi. C'est clairement parodique. Donc ça se moque un peu des traditions. Et pour justement souligner encore plus l'argument politique aussi. Je remercie encore une fois Wikipédia. Personne ne s'est endormi. Non. Qui sait, peut-être. Apparemment, Boris Vian a traduit quelques chansons, apparemment, parce que je lis. Ah, bah tu vois, ça, je le savais pas. Moi, je sais qu'on a travaillé sur la traduction de Jean-Claude Emery, qui est pas terrible, d'ailleurs, mais c'est lui qui a eu les droits uniques en France, donc on peut pas traduire... Je savais pas que Vian l'avait fait, tu vois. Mais il a peut-être pas fait tout le livret. Non, apparemment, je serais curieuse de voir ça. D'accord. Peut-être que Wikipédia raconte de la merde aussi. C'est... Non, je crois pas. Généralement, quand même, il s'autogère vraiment entre eux. Il se corrige. Mais je serais curieuse de trouver ça, ouais. Alors, après Barbara, qui a une image très, très triste, tu nous as donné une musique très joyeuse, là, c'est l'inverse. On a un opéra qui a l'air très joyeux et au final qui est assez triste. Et tu continues dans le contraste. C'est pas si triste que ça. Hein. Enfin, c'est surtout une grosse critique. De la société, quoi. C'est quand même très fort ce qui est raconté dans l'opéra de Katsu. C'est pas si triste que ça, moi. Ça dépeint une époque atroce, mais c'est pas si triste que ça. C'est le thème en particulier qui t'a attiré là-dessus ? Non, tu veux dire quand on a monté le spectacle ou là juste c'est imposé ou tu as pu choisir? Ah oui, là c'était. Ah non, moi j'ai pas du tout choisi. C'est peut-être pas moi qui décidait de ces choses-là. Non, c'était plutôt l'école de théâtre qui a choisi ça et... pour faire travailler le plus d'élèves possible, ce qui est loin d'être con parce qu'il y a pas mal de rôles dedans. Mais bon, j'aime bien quand même la morale de cette opéra. C'est qui est le plus grand criminel, celui qui vole une banque ou celui qui en fonde une? C'est un peu, on pourrait vraiment résumer cette pièce comme ça, quoi. Mon Dieu, tu viens de spoiler un opéra du XXe siècle. Oh, Je pense pas qu'on t'en voudra beaucoup. C'est comme quand tu m'as engueulé la fois où je t'avais dit que Carmen, elle mourait à la fin, quoi. C'est... Enfin, bon. J'étais obligé de mettre des balises spoilers partout, c'est chiant. Ça suffit. À la fin de bateau, il coule, oui, d'accord. Oui, c'est ça, voilà. Il y a souvent des morts à l'opéra. Mais c'est très long. Ils en mettent du temps, quoi. Puis ils parlent dans une langue bizarre et puis ils crient. C'est comme si la musique était un soin palliatif pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'oscilloscope, il y a de la musique. Exactement. Et c'est les pauvres. Alors là, je vais vous demander de faire un effort de concentration. Pour les minutes qui vont suivre, je vous demande de retourner dans votre mémoire sur tous les samedis, dimanches matin dans les années 80. Remettez vos robes de chambre et posez-vous devant la télé. On va retrouver Isabelle Guillard qui interprète le générique de Ciné 416 en 1983. Ah oui, bon, c'est vieux, d'accord, c'est un dessin animé, d'accord, c'est quoi, d'un thème mythique. Bon alors, pourquoi? Ah bah, pourquoi, comment tu occupes ton frère et ta sœur en voiture quand on part en vacances? Bah tu leur chantes des génériques de dessins animés, quoi. Et moi, je leur ai chanté Cat Size, Jeanne et Serge, Olivier Tom, Tom Sawyer. Voilà, et j'ai choisi celui surtout qui me plaisait le plus, parce que je le trouve très bien écrit. Et voilà, moi, il me fout les poils, quoi. Tout simplement. Et pour une fois, c'est un générique qui est suffisamment écrit pour qu'il y ait deux parties différentes dans le générique en lui-même. On est en train de l'écouter, oui. Justement. Ça, bah, c'est très, là, très c'est rare la, pour l'époque. C'est la version longue. Quand on écoute toutes les versions longues, généralement, on est surpris parce que c'est vrai qu'on nous les coupait, quoi. C'est vraiment coupé à la serpe et puis coupé pour les gosses, quoi, parce que c'était assez violent. Mm. C'est terrible, Isabelle Guillard, donc l'interprète. Moi, j'ai cherché un petit peu, tu vois, aussi en préparant ma playlist. Et elle a une fiche sur Bid et Musique, quoi, s'il te plaît. Elle a même pas de fiche sur Wikipédia, c'est n'importe quoi. Bon, elle a pas dû faire grand chose d'autre, hein, je pense pas. Hein. Bah, le problème, c'est quand on cherche un peu, apparemment, il y a une actrice aussi, une musicienne, il y a apparemment quelques homonymes. Oui. Donc, pour la retrouver, c'est compliqué. Bah, déjà, voilà, ouais. Non, puis je sais pas, c'est en souvenir de ce dessin animé aussi, qui est très très féministe, mine de rien. Je sais pas. Un peu quand même, hein. Un peu quand même, mais quand tu regardes la construction. Oui, elles sont assez caricaturées chacune dans leur personnalité, mais. Non, et puis il y a trois types. Il y a la jeunette, il y a la fille d'à côté, et puis il y a la plus âgée. En gros, c'est les trois types de entre guillemets fantasmes masculins. C'est très oui, c'est très carré. C'est... Ouais, mais bon, c'est trois héroïnes quand même. Hein. Ah, puis, et puis elles balancent la police, elles font ce qu'elles veulent. Voilà, quand même. Oui, on peut peut-être effectivement reprocher le fait qu'elles soient assez caricaturales, mais bon. Non, pour en venir à la musique, vraiment, je trouve ce générique vraiment bien construit et très malin, quoi. Et puis il bouge. Ça rappelle le côté un peu juste au corps, gymnastique des héroïnes, certes. Mm-hmm. Oui, c'est, oui, c'est, on peut la mettre par exemple pour faire son training le matin. Je pense que c'est totalement indiqué. Une future playlist gym en juste au corps. On vous la conseille. Exactement. Et ce qui est plus rigolo avec ce truc, c'est que le générique original japonais, pour déjà le dessin animé lui n'était pas destiné aux enfants. Tu m'étonnes. Le générique a été refait en France, parce qu'il était beaucoup, beaucoup, alors beaucoup plus chaud qu'à l'origine. Bah, c'est souvent le cas. Hein. Ouais. Nicky Larson, c'était le cas aussi. C'était le cas aussi. Quand Tsukasa Ojo, donc le créateur de Cat's Eyes et de Nicky Larson entre autres, est venu à Japan Expo en 2010, j'étais là heureusement, il a pu refaire un petit topo comme ça sur la création de Cat's Eyes, et il avait dit que le générique original japonais qui est déjà beaucoup plus chaud, donc elles sont juste au corps, hein, mais on sent bien que quand elles passent la main sur le corps, c'est pas pour se passer du gel douche. Non, bien sûr. Et il avait dit que le générique original, ils l'ont refait 6 fois. À chaque fois, ça a été rejeté parce que beaucoup trop chaud. Oh, donc moi, ça m'étonne pas. Et l'excuse qu'il avait dit pour prendre, pour dessiner, arrêter Cat's Eyes et puis prendre Nicky Larson, donc City Hunter, c'est qu'il en avait marre de dessiner des femmes. Alors quand on connaît City Hunter, c'est que c'est bourré de nanas. C'est partout. Voilà, c'est... Oui. Excuse à 2 balles. Mais ça, moi, je trouve ça vraiment étonnant que ce générique plaise à autant de monde au final. Et surtout, il soit si différent de la version originale que je vais vous faire écouter d'ailleurs. Qui est pas mal aussi. Ouais, tu vois, je le connaissais pas. Et ce générique-là, on le retrouve modifié dans la bande originale de Cat's Eyes. Pour les scènes d'action. Mm-hmm. C'était une grande qualité de l'époque de refaire les génériques. Et apparemment, c'est un des premiers génériques, même de séries télé d'animation, à être parmi les tops du top du charts. Au moins au Japon. Et moi, je trouve ça étonnant que ça ait traversé le temps comme ça. Ouais. En dehors de l'intérêt lui-même du dessin animé. Là, il est pas mal aussi, hein, toi. Ah bon, c'est très 80s, hein. Oui, bah et alors, c'est pas une insulte. Et voilà, ça c'est le refrain. Là, je le ferai au Melodica pour le prochain coup de nevis. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Et voilà, quand je te parlais de gym, donc tu peux totalement faire ta gym dessus. Ah ouais, là aussi. Hein. C'est dingue. Alors, si jamais vous cherchez, il y a eu un financement en 2014 pour ressortir en DVD Blu-ray, vraiment une belle édition, l'intégrale de Cat's Eyes, apparemment en version japonaise et française, sous-titrée, non censurée, etc. Elle coûte bien 150€, mais elle existe, vous pouvez la trouver. Enfin, bonne chance, elle existe encore, mais c'est un peu chaud. Ouais. Mais, il y a aussi la version intégrale de City Hunter, mais je vous dirai pas où le trouver à part chez moi. Mais t'as d'autres mémoires comme ça de générique de l'époque De quoi? De générique version française? Oui, voilà. Oh, qui bah sont ouais. Restés comme ça. Alors, tu nous as dit Jeanne et Serge, et puis... Bah ouais, Jeanne et Serge, c'est quand même un reggae, quoi. Enfin, c'était quand même du ska. C'est extraordinaire. Ah, je me souviens pas de ça. Bah... Si, oui, si tu réécoutes, ça fait très reggae. Alors, Jeanne et Serge, ouais, mais... Non, c'est non. Pas ça, c'est musicalement, quoi, l'accompagnement. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. J'avais même pensé ça comme Jeanne et Serge en tant que générique reggae. Bah ouais, ouais, ouais. Et moi, je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps. Mais t'en as d'autres en tête que Jeanne et Serge et compagnie, ou... Enfin, je veux dire... À l'époque, t'étais intéressé par les dessins animés ou pas du tout? Ah ouais, complètement. Bah, c'est-à-dire que là, je me suis abreuvé totalement de tout ce que Dorothée a acheté au Nippon, quoi. Je pense que je les ai tous vus, vraiment. C'était vraiment devant la télé, en robe de chambre, le samedi matin ou... Ah ouais, c'était, tu vois, le mercredi, robe de chambre, le paquet de Pépito et le bol de lait au chocolat à traîner... Bien sûr, je les enchaînais tous, et puis ma mère en avait marre, quoi. Dit, va ranger ta chambre, mais finis ce dessin animé, s'il te plaît. Mais non, mais après, il y a Olive et Tom, s'il te plaît. Enfin, c'était lamentable, quoi. Quoi? Une fille qui regarde Olive et Tom? Oh, ça suffit, on va pas tomber dans les côtés binaires. Oui, je pense qu'on est même beaucoup de filles à avoir regardé des dessins animés soi-disant... pour les garçons, mais ah ouais, moi j'en avais rien à faire. Moi je me refaisais les scènes dans mon jardin, quoi, d'Olive et Tom. Même j'essayais de tirer tellement fort pour que mon ballon se déforme, mais j'y arrivais pas. Mais bon. Ouais, tu as essayé le tir de l'aigle et tu as fait un kamehameha quand tu étais petit. Ouais. Quoi. Puis j'essayais même de faire la bicyclette retournée là. Il t'aurait fallu une jumelle pour faire la bicyclette des jumeaux, je sais plus comment ils font. Oui, non, la catapulte, oui, infernale. La catapulte où il y en avait un qui se traînait, qui glissait sur le dos. Et en fait, c'était du cirque, quoi. Ils faisaient un numéro de cirque. Quoi. C'était génial. C'était pas les Harper, non, c'est Thomas. Non, Thomas, c'est Harper, Harper, c'était quelqu'un. Je sais plus. Dites-le nous dans les commentaires, vous qui êtes fan de S'il vous plaît, oui. Aidez-nous. 36, 37. Faites des dons, ouais. Faut qu'on se rachète l'intégrale. Voilà. On va continuer cette fois-ci dans les années 90. Vous revenez toujours de l'école, vous prenez votre goûter, même vous restez chez vous pendant cet après-midi pluvieux, merdique, et vous changez. Et vous vous faites engueuler par vos parents parce que vous jouez bien trop longtemps à cette console. On continue dans l'enfance avec un thème composé par Hiroki Kikuta en 1993, le thème d'ouverture de Secret of Mana. Tout de suite, c'est le début de l'aventure, là. Oh là là, non, mais les poils, quoi, les poils. Qu'est-ce que j'y ai joué à ce jeu, alors? Mais c'est pas moi qui l'ai fini, j'avais refilé la cartouche à un copain qui me l'avait fini, et du coup, je pouvais me balader où je voulais, tous les mois. C'est vraiment la fille qui a rien fichu. Mais c'était... ça, c'est fabuleux, l'ambiance. Et puis ce thème, c'est beau, quoi. J'essaie de trouver une autre version, il y a des versions instrumentales, etc. Ça marche pas. Il faut cette sonorité. Ah, il l'a clairement écrit pour ses petits instruments 16 bits, quoi. C'est vraiment... Alors, une passion pour la Super NES, Secret of Mana, c'était vraiment le dimanche plus vieux. La Super NES, oui. Je pense que Secret of Mana, c'est le seul jeu de ce type. Jeu de rôle, c'est quoi? C'est Action RPG, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il est classé comme ça. C'est le seul auquel j'ai joué de ce type. Sinon, j'ai joué un peu des jeux du Mario Kart et des choses comme ça. C'était plus des jeux de cette console. Puis après, j'ai eu 14 ans, j'ai eu d'autres intérêts, hein, très clairement. J'ai gardé la console longtemps. Et puis l'année dernière, j'ai appris que mon père l'avait vendue. Oh non. Ben, je lui ai fait la gueule pendant 2 mois. Ouais, ça c'était dur parce que j'aimais bien y rejouer de temps en temps, vraiment. Cotisons-nous et offrons une Super NES avec Secret of Mana, Apollinaire. Ouais, parce que j'ai acheté le jeu sur iOS, mais c'est plus dur. Ah, c'est vraiment pas pareil. C'est pas pareil. Et puis, qu'est-ce que tu veux avec une manette? C'est un autre monde, hein, malgré tout. Voilà. J'ai jamais été tenté par d'autres RPG du style. C'était vraiment une époque à ce moment-là. Oui, c'était vraiment à ce moment. Et puis parce que mes copains et mes copines y jouaient aussi, hein. Oui, vraiment pas plus que ça. J'aimais bien jouer à Super Tennis, tu vois, ce genre de jeu un peu solo. Je me souviens de F-Zero, j'y ai beaucoup joué, hein, alors que c'était quand même un des premiers jeux, très difficile même d'ailleurs. Je réfléchis, tous les Mario, hein, qui sont sortis sur la console. Mais après c'est mon frère qui a eu les autres Nintendo. La 64, la GameCube, tout ça, mais j'ai vite arrêté parce que j'avais d'autres intérêts. J'ai travaillé mon piano après. Ah, c'est moche. Ouais, c'est moche. Ah, quoique, t'appuies sur des boutons aussi. Oui, c'est ça. Et puis j'ai retrouvé les jeux vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, en même temps que les podcasts, finalement. À force de vous en entendre parler, oui. J'ai retrouvé Diablo 3, par exemple. Voilà, oh là ça, là. C'était ma reconnexion avec les jeux d'univers. Vidéo. Ouais. Mais donc, je suis pas une joueuse, une grosse gameuse, mais de temps en temps, ça m'amuse. Alors, en ce moment, je joue à Asphalt 8, par exemple. C'est con, hein, c'est pas un jeu extraordinaire, mais c'est quand même une expérience de course très agréable. Est-ce que tu l'as repris, ce thème au piano, quand t'as appris le piano? Oh oui, oui, oui, c'est facile. Ouais. Oui, oui, je l'ai joué. D'ailleurs, je fais souvent des blind tests avec des copains qui ont mon âge, et puis... Ça ressort souvent. Bah oui, ça ressort souvent, celui-ci. Beaucoup de gens qui ont joué aussi à cette console, quoi, et qui ont joué les jeux de cette console. Et puis des copains musiciens aussi, on se fait même des deux pianos. Quand on a accès à ces salles-là du conservatoire où je bosse, on se fait des thèmes à deux pianos, en impro un peu, et c'est génial, quoi. Mon Dieu, du jeu vidéo au conservatoire, c'est une honte. Mais que vont dire les anciens? Oh bah les anciens, ils se la ferment, hein, et puis ils bouffent leurs traités, et c'est tout, quoi. Que tu veux que c'est dise. Pas de la vraie musique, je suis désolé. Ah, mais tu sais que les mentalités changent un peu, quand même. Hein. Bah, faut espérer. J'ai plein d'étudiants qui sont très geeks, hein. Enfin, même si ce terme veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, qui s'intéressent à la contre-culture et à la pop-culture, donc je me dis, ah, tout n'est pas perdu, ça va, ça évolue un peu, tout va bien. Est-ce que tu connais les Video Games Live? Ça te dit quelque chose? Bah, je connais pas l'événement particulièrement, mais je, d'après le titre, je devine un peu. Oui, voilà. C'est pas les concerts. Justement, avec orchestre qui reprennent les thèmes. Avec orchestre, c'est ça, ouais, voilà. J'y suis jamais allée, mais j'ai des copains qui ont cachetonné dans les chœurs et les orchestres de ça. Ça te tenterait d'y aller? Ah bah carrément, ouais. Enfin, en tant que. Bah auditrice, oui, auditrice. Mais encore plus si je pouvais jouer complètement avec eux. Alors là, je serais ravie. L'appel est lancé, on sait jamais. C'est ça, je vais. Sur LinkedIn, je vais laisser une annonce. Non, n'allez jamais là-dessus. Vous en sortirez jamais, c'est une horreur. Ah, c'est l'enfer, ouais, c'est clair. C'est horrible. On va essayer de regrandir un petit peu, je suis désolé. On va quitter le monde de l'enfance pour un autre monde. On va écouter du piano, tiens, une pianiste. Nina, que Musica a déjà cité dans l'épisode précédent, c'est incroyable. On aura plein de doublons au fur et à mesure. Donc on va écouter Nina Simone sur l'album Nina Simone at Town Hall de 1959, Wild is the Wind. The. Ou the. The. The. Entre les deux, en fait. Simone. Parce que si Dieu était une femme noire, elle s'appellerait Nina Simone, c'est tout. C'est un culte. C'est. Bah, cette voix, elle est inclassable. L'artiste en elle-même est inclassable. Elle a étudié le piano classique, elle voulait être concertiste. Je pense qu'elle n'a pas réussi pour cause de ségrégation raciale, hein, ni plus ni moins. Puis finalement, elle s'est mise à jouer dans des bars pour gagner sa vie. Et puis, petit à petit, les gens ont reconnu leur talent. Et puis, elle a épousé l'homme qui allait être son manager. Puis voilà, finalement, elle a fait du jazz et de la pop. Elle a un peu navigué entre la soul, le jazz, le blues. Puis surtout, c'était une pianiste hallucinante, quoi. Et vraiment une énorme artiste. Puis, je sais pas, écouter sa voix, là, ça appelle les tripes, ça appelle la boule dans la gorge, c'est... C'est incroyable, ouais. Alors, 68, 28, 83, 90, et là, 59. Ouais, là, c'est la version live de 1964, à New York. Ah, c'est fou. Hein. Moi, si je pouvais conseiller les auditeurs, ce serait vraiment de vous procurer son DVD du live à Montreux. C'était dans les années 70, je crois. Et c'est déjà filmé génialement. Il y a des plans longs sur son visage. Enfin, voilà. Et puis, on a l'impression qu'elle est allée sur scène totalement sous l'emprise de la drogue, hein, ce qui était probable. Hein. Mais tout le concert est fabuleux, quoi. Il y a quelques extraits sur YouTube, c'est le live à Montreux 1976. Ouais. Et y a, bah, en fait, tout le concert est sur YouTube. Découpé en petits morceaux, mais. Je mettrai le lien en bonus dans le billet. Ah ouais, vraiment, mais regardez-vous ça avec un verre de Saint-Émilion, faites plaisir, quoi. Vraiment. Dans un canapé en cuir ou un fauteuil en cuir. Oui, enfin, ce que vous pouvez, surtout. Faites ce que vous pouvez, mais surtout, c'est des miracles comme ça. Mais qu'est-ce qui Puis elle est totalement... Oui, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a touché chez elle, en fait? Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus que de la musique que tu aimes. Il y a quelque chose d'assez viscéral en plus. Ah oui, mais c'est bah, comme disait Kenton quand tu l'as interrogé. Et c'est exactement la même problématique. Pourquoi ça nous fait cet effet-là? C'est étrange, hein. Pourquoi t'as envie de pleurer quand t'écoutes ça, quoi? Est-ce qu'il y a un contexte qui te l'a... Comment tu l'as découverte, Nina Simone? Alors, bah moi je l'ai découverte il y a 7 ans, en fait. Pas si tôt que ça dans ma vie. Bizarrement, enfin, je connaissais son tube, là, qu'on a écouté dans plein de pubs, là. My Baby Just Care For You, enfin ça c'est... quelque chose que tout le monde connaît sans savoir que c'est Nina Simone presque. Mais sinon, je l'ai vraiment découverte avec cette chanson. C'est une amie qui me l'a fait écouter. Et puis, alors, dès lors, je pense que j'ai tout écouté d'elle. Sans prétention, j'écoutais les intégrales, tous les disques disponibles. Je m'en suis procuré des disques d'ailleurs. Alors que, bon, j'achète des disques, mais j'en achète pas trop. Il n'y a pas trop de place chez moi, tu vois. Mais. Non, mais voilà, juste écouter ça, quoi. Enfin, elle met toute son âme, elle met toute sa chair. Et puis quand on la voit, surtout dans des documents vidéo, moi, en tant que pianiste, moi, ça me touche d'autant plus, parce que je vois une artiste libre qui arrive à jouer. On a l'impression qu'elle joue du hochet, quoi. Elle joue avec son hochet, elle en fait ce qu'elle veut du piano. Et elle chante comme elle veut par-dessus. Déjà, ça dénote... un sacré génie, quoi, de la part de cette personne qui fait ça sans vraisemblablement flipper ou quoi que ce soit. Ça la transperce. Il y a des gens comme ça sur scène qui sont transcendés, je trouve ça très inspirant. Et puis même, c'est... Là, je pourrais en parler des heures pour raconter de la merde, hein, mais... Mais t'as déjà repris c'est classique, ouais. Au piano, ou t'as déjà essayé, bah, toi? Cette chanson particulièrement, on aime bien la faire dans des bars avec une copine chanteuse. J'avoue. Est-ce que c'est dans les bars des années 40, 50, les grandes robes à paillettes, l'ambiance non, très pas enfumée du tout. C'est une ambiance un peu enfumée, même si on n'a plus trop le droit de fumer. C'est des bars avec des pianos dans Paris, quoi. Ça existe? Il y a encore des endroits comme ça, tout à fait. Ah ouais. Et puis c'est d'excellents souvenirs. Souvent ça venait après qu'il y ait un groupe de programmés. Et puis en fin de soirée, finalement, le patron veut bien qu'on joue sur le piano. Et on l'investit. Et moi, je me suis fait payer des coups, quoi, parce que je jouais. C'est tout, c'est génial, quoi. Mais ça existe encore. C'est rare, mais des lieux comme ça existent encore. Puis il faut tomber le bon soir aussi. Tiens, puis apparemment, elle aurait repris une version... elle aurait pris « Ne me quitte pas » de Brel. Ouais. Alors moi, c'est pas ce que je préfère, mais même si, quand même, elle s'approprie très bien, cette chanson. Parce que j'ai l'impression qu'elle a vraiment une voix... Ah, c'est très typé. Très proche, très émotionnelle, mais pas forcément dans la puissance, mais dans la petite subtilité qu'elle pourrait apporter. Ah bah, elle est... Enfin, tu sens... Elle incarne, en fait. C'est ça qui est génial. C'est pas de la voix pour de la voix. On a l'impression qu'elle habite les paroles qu'elle va dire à chaque fois, la situation. Et c'est comme un acteur, quoi. Et c'est ça qui fait que tu te prends une claque monumentale dans la tronche, quoi. Est-ce que le parallèle avec Brel serait bien? Ouais. Oui. En tout cas, ce sont deux artistes de la même trempe. Et Barbara aussi. Je la mets dans le même panier parce que... C'est des gens sur scène, moi j'ai pas eu la chance du tout de les voir. Hein. Barbara même, j'aurais pu, mais j'étais trop jeune. Mais il paraît que c'était fou. Ces gens-là sur scène, bah, ils mouillaient la chemise, mais au-delà de ça, on avait l'impression qu'ils allaient crever après, quoi. Ils donnaient tout. Ça, c'est magnifique de voir des artistes comme ça qui s'économisaient jamais, quoi. C'est pas... Tu te rends compte que sur 4 ou 5 morceaux, on a deux artistes comme ça. Ils vont à fond, qu'ils lâchent les tripes. Ouais, bah ouais. C'est pas par hasard, je pense. Alors, on va passer maintenant à beaucoup plus récent, beaucoup moins noir aussi, fatalement, avec de la musique électronique française de 2012, avec Love in Motion, sur l'album Total de Sébastien. Alors 2010, 59-2010, il y a un gap quand même. Oui. Bah ça, je veux dire, les différences d'époque de ce que j'écoute, j'en ai absolument rien à faire. L'important, c'est que ça me fasse soit bouger le popotin, soit ça me fasse bouger les intestins. Et là, clairement, ça fait bouger les hanches, quoi. Mais alors, pourquoi celui-là? Ah, je saurais pas expliquer. Vous êtes chiant, merde. Bah, écoute, je sais pas. Je trouve que Sébastien, c'est un artiste d'électro que je trouve assez fin. Dans tout ce que j'ai écouté jusqu'à maintenant en électro, je suis pas une spécialiste du genre, mais je sais pas, là, je trouve qu'il y a ce qu'il faut comme groove pour avoir envie de danser, quoi. Je trouve que quelqu'un qui arrive à faire de la musique qui te donne envie de danser, bah, tout le monde n'est pas capable, hein. Moi, je suis pas sûre que je réussirais, tu vois, à faire de la musique, à créer de la musique qui donne envie de danser aux gens. C'est terrible parce que quand je l'écoute, j'ai l'impression de retrouver le rythme du Sampa de Richard Gottener. Rien à voir. Ah, écoute, faudrait que je réécoute ça. Mais c'est probable, hein. C'est horrible. J'aime bien cette chanson. Il y a un côté un peu années 80 aussi dans les... Et il y a un côté très Prince aussi. Oui, Prince, voilà. Prince a écouté, a écrit un petit peu... Bah là, c'est la voix, alors c'est pas Sébastien qui chante, c'est une autre personne qui est en duo. Je sais même plus, tu vois. C'est pour te dire à quel point je connais l'artiste, pour le coup. Non, ça, c'est vraiment une chanson que j'écoute le matin quand j'ai la tête dans le cul et que je dois prendre le métro, quoi. Clairement. Mais comment tu l'as connue, cette chanson-là? Là, c'est un copain qui m'a fait écouter. Pareil, j'échange pas mal, j'ai pas mal d'amis avec qui j'échange de la musique, vraiment juste des liens, des choses comme ça. Et là, il m'avait balancé ça une fois, et alors ça, je vais dire, ok, ça c'est de la bonne, enfin pour moi en tout cas. Et puis surtout, ça donne envie de faire plein de choses, de danser, de... Voilà. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi là-dedans, c'est la couverture. Ah oui, la jaquette de l'album, enfin le visuel de l'album. Oui, c'est Sébastien qui embrasse Sébastien, quoi. Il s'embrasse lui-même dans un montage. Il s'embrasse lui-même. Bah ouais, je sais pas. Alors, je connais pas trop bien l'artiste. Mais ça doit être... Il paraît qu'en concert, c'est assez fabuleux. Hein. Je veux dire, il a sa platine de DJ, mais il y a toujours une mise en scène. Il y a quelque chose d'assez marrant, quoi. Puis c'est un copain de Quentin Dupieux, qui est aka Mister Oiseau. Quentin Dupieux, qui est aussi cinéaste. Je crois qu'il a collaboré à la BO du film Steak. Ah, Sébastien, oui, c'est possible, ouais. Voilà. Mais quand t'as du peu, il fait aussi des trucs bien... Ah ouais. Bien barrés. Bien barrés, ouais. J'aime bien. J'ai vu Réalité il y a pas longtemps. Ah, faut que je le voie, celui-là. Ah oui, c'est très très troublant. Il n'y a rien que l'histoire d'un pneu vengeur. Ah bah ça aussi, ouais. Mais je les ai pas tous vus, hein. Mais tu pars souvent à la découverte comme ça de nouveaux titres ou c'est vraiment guidé, ouais, par les autres? Un peu de tout. Les autres, parce que... les musiques... Nina Simone, clairement, c'est une amie, c'est une rencontre aussi avec cette personne-là qui m'a fait écouter ce titre. Et c'est souvent lié avec des relations amicales, bien sûr. Mais ça m'arrive aussi, surtout depuis que j'ai un abonnement streaming sur une plateforme dont je ne citerai pas le nom. Tu peux y aller si c'est 10€ Spotify. C'est pas Spotify, c'est Qobuz. Ah. Et parce que Qobuz, ils ont un catalogue en classique qui dépasse celui des autres. Donc c'est bon, déjà, c'est un outil pour le travail, pour moi. Mais en plus, ça s'aligne relativement sur les autres plateformes, Deezer et Spotify. Donc voilà. Et il y a toujours un onglet découverte. Et je mets en musique locale, tu sais, des albums qui me dirait bien. Alors soit je ne connais pas du tout l'artiste, et alors là, vraiment je me laisse avoir par le visuel. Il dit tiens, c'est intriguant, qu'est-ce que c'est? À cause du visuel, tu vois, le truc con, hein, mais je pense qu'un visuel c'est fait pour ça aussi. Mais du coup je les mets en local pour les écouter dans le métro, et voilà, je découvre comme ça, je me fais des petites playlists. T'es très électro, ou pas du tout? En ce moment, de plus en plus. Je l'étais pas beaucoup. J'ai eu une période très rock des années 70. Je pense fin des années 2000, J'écoutais surtout ça, et puis là finalement l'électro, j'y viens depuis 3-4 ans, tranquillou, et puis j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin c'est vraiment un genre qui me plaît de plus en plus. Après, il y a de tout dans l'électro, hein, c'est comme, il y a des styles de musique classique, des styles de musique de jazz, des styles d'électro. J'aime beaucoup le trip-hop, là j'avoue que généralement ça me fait totalement voyager et planer. Du style Massive Attack pour les plus connus, ou Portishead aussi. C'est plus doux quand même. C'est plus doux, c'est plus, ouais, c'est plus low beat quoi, enfin plus lent. Mais après la vraie électro pour danser, ça me plaît aussi. Et pour le coup c'est une musique assez fonctionnelle pour moi, c'est vraiment pour me réveiller le matin. Ou pour, enfin Pour te c'est coucher de le la soir, mais là musique. c'est plus inquiétant. Mais non, c'est vraiment pour faire la bringue et. Enfin, c'est clairement fonctionnel. Et pour retrouver une gueule de nuit. Voilà, et à partir de 4h, 5h du matin, quand t'es fatigué, t'écoutes Barbara. C'est absurde. Là, tu t'es achevé. Ah, ce serait marrant de faire une playlist selon l'heure de la journée. Et justement, dans un prochain hors-série, Et voilà. peut-être, on sait jamais. Bon, on va continuer, mais avec du gros son. Alors, quand je dis gros son, c'est parce qu'il y a feat dans le titre. Je suis un peu bas du front, moi. Donc là, on va revenir toujours en 2010 et on retrouve Janelle Monáe, si j'espère que je dis bien son nom. Janelle Monáe, ouais. Voilà, sur la balle The Arch Android avec Arc-Android, je crois. Arc-Android. Ouais. Avec T-Trop, feat. Big Boa. putain. Ça, je peux comprendre que le matin ça puisse te donner envie de bouger ton boule. Ah là, c'est génial aussi. Bah, c'est un autre style. C'est clairement entre R&B, soul. Moi, je la classe vraiment proche de Michael Jackson ou Prince. Et en même temps, elle a un style bien particulier, quoi. Elle est géniale, putain. J'ai du mal à parler, quoi. J'ai envie d'écouter. Puis là, je vois la pochette, il y a une énorme, énorme référence à Metropolis. Énorme, exactement. Bah, elle est marrante, hein, Janelle Monáe, parce qu'elle est persuadée, enfin, elle est très branchée robot, et ce depuis son premier album. Et d'ailleurs, à chaque fois, si son album prend suite 1, suite 2, suite 3, elle avait son premier Metropolis suite 1, The Arc Android, c'est suite 2 et 3. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, le nom des suites, c'est vraiment des morceaux orchestraux, quoi. Magnifique, on dirait de la musique de film. Et le dernier album en date, c'est 2013, je crois que c'est The Electric Lady, qui continue pareil dans la même verve. Il y a un côté rétro et futuriste un peu. Et c'est très marquant, et j'ai pu l'écouter en concert à Paris, au Trianon, c'était de la folie furieuse. Et comment tu l'as connu? C'est. Bah là, c'est pareil, c'est des copains au Conservatoire de Paris qui m'ont fait écouter. Comment il s'appelle là, ce titre qu'il a fait connaître? Ah là là, je retrouve plus, attends. Comment ça, j'essaye de chercher sur Internet, vole à Wikipédia mon là. secours. Ah, c'est un peu ça, ouais. Sincerely James, je crois que c'est ça, voilà. Tu vois, je l'ai retrouvé même sur Internet. Il me fait écouter ça. Et The Arc Android n'était pas encore sorti ou quoi. Hein. Et là, je dis, oh là là, gros son. Impressionnant. Tu es juste avec une basse, une petite caisse claire et des trombones. Déjà, les arrangements sont hyper audacieux. Dans ce même album là que la chanson que vous écoutez, il y a une chanson aussi où à la fin, l'arrangeur, je sais pas ce qu'il lui prend, il met le clair de lune de Debussy, quoi. Et c'est magnifique. Enfin, vraiment. Je trouve que enfin, elle est pas si connue et mainstream que ça. Mais elle mériterait, quoi. C'est vrai que quand j'ai commencé à regarder son clip, ça me faisait vraiment penser à du R&B de Ah, base t'es. tout Oui, nul, et ça puis au fait final. très Beyoncé, quoi. Oui, voilà. Puis au final, non, même dans le clip, elle bouge bien. Ah, elle danse super bien. Je me demande si elle n'a pas une formation de danseuse. Bon, j'en sais rien. En tout cas, c'est une petite bonne femme. Quand tu la vois sur scène, elle est vraiment toute rikiki, quoi. Elle a toujours... Alors là, c'était vraiment un thème sur ce concert. Ils étaient tous en Beetlejuice, quoi, en noir et blanc. Oui, c'est assez travaillé aussi à ce niveau-là. Totalement. Et puis, vraiment, son concert, c'est quasiment un spectacle. C'est-à-dire qu'à un moment, sur une de ses chansons, elle peignait une toile en même temps. Et la toile, elle l'a offerte à la personne qui avait été élue meilleur costume parmi le public. C'est très marrant. Et puis c'est un show hyper rodé, il y a un chauffeur de salle au début, il fout du Bernard Herrmann, tu vois, genre on va te foutre la musique de Psychose ou un truc comme ça, on fait chauffer l'ambiance. Ouais, c'est très... elle est très barrée, film... ouais, rétro-futuriste, je vois pas comment exprimer mieux que ça. Elle croit en un futur avec les robots, des robots intelligents... Elle a presque une philosophie par rapport à ça, c'est très marrant, quoi. Alors, je viens de lire un truc dans Wikipédia allant de Alfred Hitchcock à Debussy en passant par Philip K. Dick. Ok, j'achète l'album. Voilà. Bah, franchement, mais achète-les tous, quoi. Vraiment. Déjà, elle est multi-style, enfin... Évidemment, c'est très... Elle renie pas du tout ses origines de musique black, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment afro-punk... hip-hop, de la soul, de la funk, du rock'n'roll. Dance punk et new wave. C'est les genres musicaux dans Wikipédia. Exactement, ouais. Bah, c'est multi... multiculturel. Multi-artiste, multi-style. Ouais, moi j'aime bien ce genre d'artiste. Et puis bon, j'aime surtout la musique qu'elle fait, quoi. Et puis elle a des supers arrangeurs et producteurs. Franchement, ils font un boulot de badass, quoi. Vraiment. Donc tu recommandes l'album beaucoup très très fort. Je recommande cet album, donc The Archandroid, je recommande The Electric Lady, l'album suivant, je recommande l'album d'avant. Je recommande tout de cette personne, et surtout dès qu'elle vient en France, ou dans les pays francophones des gens qui nous écoutent, allez-y quoi. N'hésitez pas une seule seconde, déjà ça va vous mettre de bonne humeur. C'est mieux que des antidépresseurs, et puis elle donne tellement d'énergie... Et puis c'est voilà quoi, elle tient la route quoi. C'est très physique. Là, ce qu'on a pu entendre déjà, si vous regardez le clip de Tightrope, c'est fou quoi. Ah, c'est de l'énergie pure. Hein. Ok, ils savent danser, ils savent faire des clips marrants, rigolos. Même le clip en lui-même a un côté rétro. Je sais pas d'où vient cette référence, mais tous ces gens en costume noir et blanc qui dansent et qui s'agitent, ça me rappelle quelque chose, mais d'assez ancien, j'arrive pas à remettre le doigt dessus. C'est terrible. Ouais, je sais pas. Bah, elle a fait des études de théâtre. Hein. Elle est très marquée par... Je suis sûr qu'elle a plein de références qu'on soupçonne pas. Bon, pour ceux qui se demandent, merci Luverto déjà. Deux dernières tournées, c'est le fin d'année à Houston. Donc pour la France, c'est mort cette année. Ah oui, non, ouais. Moi, je sais plus quand je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu en 2013. Ou en 2012, je sais plus. Enfin, j'étais très contente. J'avais pris deux places. J'ai offert ça pour ma sœur. Mais tiens, justement, tu vas souvent au concert comme ça? Eh bien, là, pas assez souvent parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas trouvé le temps. Enfin, ces places-là, tu les prends quelques mois à l'avance et puis finalement, bah, tu bosses ce jour-là ou ce soir-là. T'es dégoûtée. Donc, je le fais moins là, mais j'aimerais le faire plus. Vraiment. Non, en tout cas, j'ai des alertes, tu sais, de Bandcamp et compagnie. Vite, tu mets tes artistes préférés. Ça va passer. Voilà, exactement. Mais bon, là, c'est vrai que j'essaie de la surveiller, quoi. Si c'est une période où je travaille pas trop, où je sais que je serai pas en création moi-même de spectacle, oui, je réserve la place, évidemment. Alors, je vous propose de continuer avec quelque chose, peut-être, en fait, de tout aussi difficile à prononcer que le premier. Il Trovatore. Oui, Il Trovatore. Merci. Le Trouvère. De 1853. Alors, ça, c'est la version qu'on en. Ah oui, c'est la date de création de l'opéra, 1853. De Giuseppe Verdi. Alors, Giuseppe Verdi. Merci. Tracé à la Motte Placida. Tacé à la Notte Placida. Voilà. Tout simplement, de l'opéra italien. Voilà. Par Maria Callas. Pardon aux Italiens, à l'Italie. Mes racines, je suis désolé, j'ai pas appris la langue. on commence par quoi ? Verdi, la Callas, l'opéra italien ? Ah, bonne question. Bah, déjà, moi, tu me demandes de choisir des choses que j'aime, qui me ressemblent. Bah, je ne pouvais pas mettre de l'opéra. Enfin, bon, il y a évidemment l'opéra de Katsu, mais c'est pas tout à fait pareil, comme je l'ai expliqué. Ah, ça, c'est trop beau. Et puis, surtout, pourquoi Verdi ? Bah, Verdi, j'ai eu pas mal de... d'a priori sur Verdi, je me disais c'est de la musique ploum ploum, il y a toujours boum tchap tchak, boum tchak tchak. On l'entend un peu là, c'est quand même très beau quoi. On avait une discussion avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom sur Twitter. Même ici on peut pas. Merde. Donc Laurent Doucet qui disait ouais Verdi c'est de la merde, il commençait à troller le truc. Non mais c'est un troll, c'est tout ça. Alors, il fut un temps j'étais d'accord avec toi. Et puis, bah, quand même, non, quoi. C'est impossible de dire quelque chose pareil, quoi. Oui, il y a des airs. Les airs les plus connus sont un peu poum-tchak-tchak, mais pff, c'est quand même un des plus grands compositeurs italiens d'opéra. Il y en a eu plein, hein, ceci dit. Hein. J'ai pas mis de Puccini, j'aurais pu. Mais Puccini et Verdi, c'est assez différent. Verdi, c'est vraiment la tradition. C'est l'après bel canto. Ce qui fait que ce chant est très lié, comme on l'entend, quoi. Très crémeux, tu vois un peu ce que je veux dire. Et en même temps, il avait une intelligence de la dramaturgie qui font que bah, ses derniers opéras sont extraordinaires. Le Trouvère, je crois pas que ce soit un des derniers, mais ça, ce thème, écoutez, c'est trop beau. Et sinon, pourquoi la Callas ? Bah, la Callas, ouais, exactement. J'aurais pu choisir d'autres versions qui sont tout aussi bien. Mais la Callas, c'est une des premières artistes, à mon sens, qui a voulu replacer la musique et le théâtre avant la diva, quoi. Même si elle-même était assez diva, je pense. C'était une artiste qui donnait tout pour l'œuvre qu'elle défendait, quoi, et qu'elle interprétait. Elle a voulu un peu casser les traditions, justement, de divisme, ce genre de choses, et... Elle en parle, on peut entendre des interviews d'elle sur YouTube où elle parle de ça. Elle était très touchante, quoi. Vraiment. Pareil, c'est encore une artiste supplémentaire qui donnait toutes ses tripes sur scène. Quoi. Ça, et pour chanter ça, là, ce qu'on entend, là, faut être en sacrée forme. Quoi. C'est un sacré métier, hein, chanteur d'opéra. Alors, je dois avouer une chose. Dans Queen Novi, tu nous as fait un dossier sur les chanteuses d'opéra, oui, bien spécifique. Ouais. Et depuis, à chaque fois que j'entends l'opéra où il y a une chanteuse, je ne peux pas me retirer de la tête Sarah Foster Jenkins. Ah, c'est terrible. Florence, ouais. Pardon, Florence c'est Foster pas... Jenkins. Bah oui. Bah Florence, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas un cas isolé, hein. Il y a plein de personnes, alors hommes ou femmes, hein, qui s'imaginent grands chanteurs et qui sont totalement à côté de la plaque. Ouais, ça, c'est... Bah, j'avais fait ça, c'était une spéciale Queen Novi, hein, parce que... fallait bien qu'on se marre, et puis que je vous pourrisse les oreilles. Avec les trouvailles, d'ailleurs, avec des copains, on a un groupe Facebook qui s'appelle l'Escalade Melun. Et on se partage les pires horreurs. Alors, pas que de l'opéra, c'est parti de l'opéra, et puis finalement, un peu de tout. Ça peut être de la pop, tout ce qu'on entend... de pas très audible, en fait. On le met là, on se partage un peu ces petites perles. Bon, là, il y a le Callas, on peut pas du tout dire ça. C'est sacrilège, quoi. C'est péché, quoi. T'as repris du Verdi ou joué du Verdi au piano, ou jamais ? J'accompagne très souvent des airs de Verdi dans des récitals ou des cours de chant, hein. C'est quand même un compositeur récurrent, et c'est un peu un passage obligé pour un chanteur lyrique. Pouvons-nous parler des cours de chant, cette torture incroyable qui consiste à scotcher les partitions ? Oui ! Ah bah ça... moi je suis une pianiste qui réclame qu'on scotche les pages et les photocopies, parce que ça me rend hystérique en fait, des gens qui se ramènent avec des morceaux de 10 pages qui scotchent pas quoi. Mais bon, en prévision, je commence à écrire des petites vidéos pour faire des tutos, quoi. Tuto scotchage de pages. Voilà, pour expliquer tout simplement, dans la joie et la bonne humeur, comment scotcher sa page, ou alors comment casser un gros volume d'opéra, justement, pour éviter que les pages se referment pendant que le pianiste joue, ce genre de choses, de petites attentions. Ce qui peut être un petit peu ballot. Ouais. C'est du vécu. Ce qui arrive très souvent. Ah oui, non, d'accord. Non, ce serait intéressant que j'écrive un jour mes mémoires, si jamais ça intéresse quelqu'un, hein, mais j'ai plein d'anecdotes à raconter, beaucoup trop. Non, mais c'est le vécu, ça se respecte, mais... Ouais. Non, mais c'est... Je râle après les chanteurs, mais j'ai une profonde admiration pour eux. C'est quand même... c'est d'être au devant de la scène et d'avoir à faire ce qu'ils font, parce que c'est vraiment du sport, quoi. On pourra vraiment rapprocher ça du sport. Le chant lyrique, c'est... Je vois des voix, des jeunes voix se construire à longueur d'années. Hein. Et il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui ont plus de mal. Après, ils doivent aller sur le marché du travail. C'est un monde de requins. Hein. Bon, c'est pas le seul milieu où c'est un monde de requins, mais c'est quand même sans arrêt à passer des auditions. Même si t'as un bon CV, rien n'est acquis. Faut avoir un agent. Même sans agent, tu peux travailler, mais c'est plus compliqué. Enfin. Et puis voilà, la voix, ça se travaille toute sa vie et selon les types de voix, tu peux ne pas la garder si longtemps que ça, quoi. Le piano, ça se travaille toute sa vie aussi. Ah oui, oui, oui, mais c'est différent. Enfin, à moins d'avoir un accident grave ou une tendinite vraiment problématique, je peux jouer jusqu'à ma mort. Hein. Enfin, par contre, un chanteur d'opéra ne pourra pas chanter avec sa qualité de voix de jeunesse toute sa vie. C'est pas possible. Quelque chose qui me rassure, c'est que à ta mort, qui sera lointaine, j'en suis sûr, dans le temps. Je suis pas sûr. Hein. En tout cas, je te le souhaite. C'est que tu ne pourras plus jouer de Menolica vu qu'il faut souffler dedans. Ça me rassure. Ah oui, mais attends, j'aurais bien inventé un robot pour souffler dans Menolica. Menolica électronique. Tu sais, il existe déjà les démos des synthétiseurs. Oh merde. Déjà, ce fléau existe, alors bon. Mélodique électronique, quelle horreur! Et tu vois, là, j'étais sympa, je l'ai pas sorti, il est pas à portée de main. je te tente, mais ça ne marche pas, tant mieux. Dans toute ta liste, tu nous as mis deux opéras, c'est quelque chose de très important dans ta vie? Ah bah oui, c'est prépondérant, ouais. Bah oui, oui. Bah, je suis une prod par an au minimum, je te dis, j'accompagne sans arrêt des airs. Je commence à connaître du répertoire et puis il y a des opéras que j'aime pas, des compositeurs je m'y ferai jamais, et puis il y a ceux vraiment, à chaque fois qu'on me pose une partition de ça et que je la joue, ça, même en jouant, c'est un plaisir insondable, quoi. T'as jamais été tenté d'écrire ou de composer? Non, c'est un métier particulier. Non, j'écris de la musique gamine, hein. Dès que j'ai appris à lire la musique, j'en ai écrite aussi. Donc à 7 ans, c'est marrant de voir ça, on se dit « Ah, c'est super, elle écrit de la musique ». Mais après, j'ai essayé, j'ai continué, puis j'ai vu que j'écrivais de la merde, des choses pas très intéressantes. Alors j'en écris un peu, mais je fais des arrangements sur des choses qui existent déjà pour des spectacles. Bah, donc, tiens, ça, c'est autre chose. Une grande question, ça veut dire quoi, ouais, faire un arrangement? Bah, mettons, pour un spectacle, on doit chanter une chanson. On me dit, bah tiens, j'aimerais bien qu'il y ait trois voix là-dessus, est-ce que tu crois qu'on peut faire ça? Bah, moi je dis, bah oui, c'est possible. Tu vois, avec des contraintes, on te donne le morceau de base. Après, la personne qui soit met en scène, soit le chanteur, te dit, bah voilà, j'aimerais bien le chanter comme ça, comme on pourrait le faire. Et puis, bah bon, après, j'écris avec ces contraintes-là. Donc tu modifies le morceau de base pour qu'il s'adapte à la personne ou à la mise en scène? Un petit peu, soit on modifie vraiment le style, soit on modifie très peu, soit on rajoute des voix, on harmonise. On peut faire plein de choses. Hein. On peut carrément s'en éloigner. On peut faire des mash-up. Tout est possible. Ouais, je trouve que c'est un terme un peu mystérieux, je trouve. Oui, l'arrangement, ouais. L'arrangement. Bah, par exemple, déjà les compositeurs, la plupart du temps, ils arrangeaient leur propre musique. Bizet, il écrivait Carmen au piano, puis après, alors je suis même pas sûre que ce soit lui qui l'a orchestré, mais après... Je viens de comprendre de qui tu parlais. Georges Bizet, c'est le compositeur du Carmen, voilà. Oui. Ça, non, mais j'ai compris Giuseppe, comme j'avais dit Giuseppe. Ah oui, d'accord. Mais non, c'est pas grave. Oh là là, mon Dieu. Bon. Ah bon, bref, c'est... Un petit Ricard et ça repart. Voilà, après l'opéra, c'est l'apéro. Bien sûr. Bon, bah on s'approche de la fin de la playlist. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir maintenant? On a fait un petit peu le tour du monde. On va en refaire un tour à nouveau. Puisque... un peu compliqué d'avoir cette personne-là. C'est un japonais. Je suis jamais arrivé à le dire. C'est une horreur. Quoi, le nom du chanteur? Oui. Non, Kiyu Sakamoto. Là, ça va. Sakamoto, là, ça va. C'est simple. Le titre, c'est Sukiyaki. Ça ouais, va. Ça c'est la VSMM, c'est le titre occidental donné à cette chanson. Ah merde. Ouais. Qui et s'appelle en fait. Aroko. Ou un truc du genre. Alors vous allez voir, on change un peu de style. On retrouve encore ce côté un petit peu cabaret, bal dansant. Oui, bal dansant plutôt, là, je dirais. Ouais, ouais. Il fait très, très crooner oui, voilà. Des années 60. Mais ça fait un peu ouais, chanteur de mariage, quoi. J'adore ce charme désuet totalement. Ça, c'est un truc que j'ai découvert vraiment toute seule. J'aime bien écouter les BO des films que j'ai pas encore vus. D'ailleurs, ce film, je l'ai pas encore vu. C'est Inherent Vice. Et j'écoute parce que j'aime beaucoup Johnny Greenwood qui s'occupe des parties composées pour le film. Et puis c'est entrecoupé de tubes un peu rétro, dont celui-ci. Alors là, je me dis, mais putain, j'adore, ça a beaucoup de charme, quoi. Voilà. Tout de suite, ça fait un peu voyager. Et puis alors, ce Kiyu Sakamoto, il a chanté que ça, je crois. Hein. Enfin, il a fait sa carrière avec ça. Hein. Ah bah, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Wikipédia n'a pas été une super aide à l'époque. Non. Mais c'est vrai qu'il n'a vraiment pas fait grand-chose, en fait. Bah non, il est connu que pour ça. Voilà. Je sais pas, je trouve cette chanson hyper bien écrite. Le thème est canon, et puis tout de suite... Il siffle bien. Ouais, ça fiche une ambiance, quoi. Puis je sais pas, d'entendre les vents derrière, là, les cuivres et tout. C'est vraiment le côté rétro qui t'a attiré. Ah ouais. Moi j'aime bien la musique rétro. Ce type de musique, j'aime bien. Ah, ça fait pas bizarre que ce soit un japonais qui chante ça. Bah, je trouve que ça rajoute au charme, justement. Mais c'est assez marquant, parce que c'est assez occidental comme type de musique, j'ai l'impression. Enfin, je dis peut-être une connerie, mais en tout cas... déjà, à l'époque, ils aimaient pas mal la culture occidentale, du coup... Ah, le cul, c'est sympa. Non, s'il te plaît, on reste correct ici. J'essaye de parler japonais. Non, et puis j'avoue, j'ai une petite attirance pour le Japon, je rêve d'y aller. Donc tout ce qui a trop au Japon m'intéresse quand même. T'es un peu radioactif en ce moment. Dans 2-3 000 ans, ça devrait être mieux. Ouais, putain. Non, ça c'est pas cool, par contre. Mais bon, j'irai bien, quand même. Ça t'arrive d'écouter de la musique japonaise on va dire entre guillemets on m'a fait découvrir récemment un groupe de J-pop qui s'appelle Perfume. Ah, et j'avoue, j'aime bien. Surtout leurs clips. Elles sont trois nénettes, comme ça arrive souvent. Oui, je me souviens, un clip en trois couleurs, ça me dit quelque chose. Ah là là, je trouve ça... Et puis alors, c'est génial parce que c'est vraiment les instruments électroniques les plus crades, quoi. Mais ils arrivent vraiment, vraiment, vraiment bien à faire de la bonne musique qui donne envie de danser. Et puis, j'ai récemment refait une partie de DDR dans un... dans un endroit super à Paris que je recommande, qui s'appelle Arcade... comment ça s'appelle ? Arcade Street ou... Arcade Street, voilà. C'est ça. Et puis, il y avait du Perfume, alors voilà. Ah non, voilà, c'était One Room Disco. Mais tu vas souvent danser, tu fais du DDR, du karaoké. Bon, malheureusement, tu apparemment, tu écoutes des chanteurs. Ah, karaoké, ça m'arrive aussi. Ça t'arrive aussi ? Ouais, pas souvent, mais... Non, mais de temps en temps, une petite session de jeux vidéo. La dernière fois, j'ai fait ça chez une copine, enfin, qui avait une Kinect, une PlayStation, une Xbox. Enfin bon, on a essayé toutes les consoles, quoi. On a fini par courir et sauter avec la Kinect à 2h du matin. C'était ah, absurde, c'était sympa. Ouais, ouais. Ah tiens, grande question. Ouais. Guitar Hero. Oui. Pour ou contre ? Bon, bah, j'en ai un peu rien à foutre, je t'avoue, parce que j'y joue pas, mais. Mais pourquoi pas ? C'est un jeu de réflexe, en fait, hein, ni plus ni moins. Oh, faut faire des boutons et puis. Oui, voilà. Est-ce que tu serais partisan d'un Piano Hero ? Ça existe un peu déjà. En fait, justement, à Arcade Street, ils ont un des jeux d'arcade qui est disponible qu'au Japon, d'ailleurs. Je sais pas comment ils ont réussi à avoir cette machine, enfin, ils l'ont importé, mais. Extrêmement difficile. Avec un clavier. C'est et pas le fait, pop-up music avec des boutons de couleur. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, et puis t'as ta musique qui tombe et tu dois taper sur les bonnes touches. C'est pas tout à fait un piano, mais c'est tellement difficile. Oh, ah, c'est du par cœur, hein. T'as la tête qui fume. Bah, c'est du par cœur à mesure que tu connais les morceaux, quoi. Mais même au début, quand juste tu connais pas le morceau, t'en chies, quoi. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Ben, c'est beaucoup plus dur, je trouve, que le DDR où t'as un déplacement très net à faire. Puis finalement, t'as 4 cases, tandis que là, en fait, t'as 6 cases à gérer avec une main. Et puis t'as que 5 doigts, quoi. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Et j'avais vraiment des scores merdiques, quoi. Vraiment. En même temps, ça donne envie de s'accrocher. Quoi. Tu te dis, putain, je vais y arriver quand même. J'ai compris comment ça marche, où sont placées les touches. Encore une pièce, je vais y arriver, encore une pièce. Ah, c'est hyper dur, hyper dur. Mais bon, c'est amusant. Ah, tu ne t'es pas explosé les doigts avec ça ? Non, non, non, quand même pas. Non, je suis passé à Mario Kart après. Et j'espère que tu as mis des roustes à tout le monde. Ouais, ouais, ouais, ça dépend. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais je crois qu'on arrive au dernier morceau. Ouais. 10e morceau de la playlist. Alors là, on va retourner du côté des Américains, mais plutôt des guitaristes américains moustachus. Ouais. On va aller chez Frank Zappa, donc en 1974, avec Apostrophe, sur l'album du même nom, Apostrophe. Années 70. Ouais, bah ça c'est justement ce que j'écoutais pas mal dans les années 2000. Quoi. Du rock et moustache. Et il était pas que guitariste, hein, il était multi-instrumentiste, il était très très fort, c'était un génie ce mec. Il était fou quoi. Ah, pourquoi ce morceau là alors ? Ah bah ça c'est un de mes morceaux préférés. Je trouve que. Bon, pour Frank Zappa, ce qu'il a pu écrire c'est finalement assez classique, je trouve. Mais je sais pas, ça donne envie de danser. J'imagine bien des soirées psychédéliques sur ce morceau. Je trouve que tu sais, ça te donne envie de prendre un Tardis et de se barrer quoi, de 2015 et de retourner dans cette époque, j'en sais rien, où tout le monde se droguait. Et... oui, avec des vêtements toutes les couleurs. Voilà, où tu dormais le jour quoi, finalement. Non, mais Frank Zappa c'était fou. Enfin, j'ai un copain qui est fan, qui m'en parlait, qui me disait mais sa musique était tellement dure à jouer que pendant qu'il partait en tournée avec un groupe, il avait l'autre partie du groupe qui travaillait les morceaux. Non, il est fou. Et puis, il était fan de musique classique aussi, quoi. Il avait une profonde admiration, notamment pour Edgar Varèse, pour Stravinsky aussi. D'ailleurs, dans le même album, apostrophe, si vous écoutez un des morceaux avant, Don't Eat the Yellow Snow, c'est quasiment classe. Du Stravinsky. Et c'est fabuleux, quoi. C'est, je crois que c'est, effectivement, ça devait être très très dur à jouer. Les partitions de Zappa sont éditées, hein. Elles sont pas évidentes à se procurer, mais c'est vraiment de la musique écrite. Alors, sur 10 bon, titres, c'est le deuxième morceau uniquement musical, sans chanteur et sans. Ouais. C'est pas beaucoup. Mmh. Tu accroches énormément d'importance aux paroles, aux chanteurs. Pas forcément. J'aime la voix. Moi, ce que j'écoute. Quand j'écoute de la musique, c'est de la musique. Et le texte, souvent, vient après. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je mets le plus de temps à apprendre. Par cœur, c'est le texte. La musique vient assez vite. Et sauf pour des chanteurs à texte, évidemment, comme Barbara quoi, ou Brel, ce genre de personnes. Mais c'est vrai que ce que j'écoute en premier, c'est la musique. Ça, c'est une déformation professionnelle, je pense. Oui, c'est vrai, ça. Quelque chose me dit que la musique est aussi façonnée ta vie. Ouais, un petit peu beaucoup, ouais. Et d'ailleurs, parfois, le silence se fait du bien aussi. Ouais, c'est vrai. Mais cette époque, années 70, t'as d'autres artistes qui te viennent en tête comme ça ? Non, j'ai pas d'autres artistes. Par contre, il y a un film que j'avais bien aimé sur cette époque, c'était Good Morning England, dont la BO est particulièrement chouette, je trouve. Je sais plus ce qu'il y a exactement sur... cette déo, je vais essayer de retrouver, mais il y a des... Je sais que c'est une OST que je réécoute fréquemment parce que c'est pour moi une playlist idéale de cette époque. C'est marrant, hein. On va vous laisser écouter un petit peu le morceau. Ouais. Ouais, il y a Martha Reeves et And the Vandellas par exemple, Dancing in the Street. Enfin, j'adore ça, quoi. Ah bah les Woo, les Turtles, les Beach Boys. Ouais. Clapton, Paul Jones... Otis Redding, tu vois. Ah ouais. Ouais, non, mais... C'est fabuleux, quoi. Les Suprêmes, quoi. Pff, c'était génial. Et il y a quand même David Bowie, aussi. Tu t'es jamais mise à la guitare ? Si. J'en joue très mal. Non, mais il faudrait que je travaille, et comme j'ai jamais le temps de travailler... Tu vois, j'ai compris comment ça marchait, mais c'est quand même un des instruments, je trouve, techniquement le plus dur à maîtriser, quoi. C'est peut-être dû carrément à la position de la main et du poignet. Ouais, déjà ça, c'est... Ça n'a pas été simple pour moi, parce que je m'y suis mise très récemment, bah pour un spectacle justement. Et j'ai galéré, quoi, quand même. La position n'est pas naturelle. Et puis bon, bah pour le piano, je me coupe les ongles. Là, c'est vrai que pour la guitare, la main droite, c'est bien d'en avoir un peu quand même. Donc bon, c'est jamais très confortable, mais je m'en sers surtout pour jouer, pour m'accompagner, quoi. Quand je chante, sinon. Pour en jouer, faire du picking, faire... Enfin, c'est beaucoup trop dur. Moi, je trouve que c'est un instrument assez balèze, quand même. Plus que le piano ? Bah, le piano, tu peux arriver assez vite à un résultat. Finalement, c'est moins difficile à aborder, je trouve. Hein. Après, c'est pour le maîtriser. Si tu veux te mettre à jouer des trucs très très durs de musique classique, là, tu peux t'accrocher des années, quoi. Mais ça demande vraiment... Sur des gros concours que tu prépares, tu faut faire 7 heures par jour, quoi, vraiment. Ça peut être très très vite difficile, mais par contre, si tu veux te faire plaisir assez vite et que t'accompagner, que si tu chantes, le piano, je trouve que c'est assez chouette. Après, la guitare, c'est abordable aussi, mais pour jouer très très bien de la guitare et vraiment te faire plaisir, faire groover un peu la machine, je trouve... quand même s'y mettre, quoi, faut travailler. Hein. Parce que je me suis toujours dit que, bon, c'est peut-être particulier la guitare électrique, il suffisait de mettre les mains à un endroit, puis de bouger la main à l'autre, puis ça faisait des trucs bien. Eh non, ça ne suffit pas. Je suis très déçu. Ouais, désolé. Hein. On termine la playlist sur une déception. C'est vraiment nul. C'est vraiment dommage. Enfin bon, Frank Zappa, quand même, je m'attendais pas ça de toi. Je pensais quelque chose de quand même rester plus classique que ça. Non, non, non, mais Zappa, tu sais que quand même Pierre Boulez a enregistré ou a joué du Frank Zappa quand même, hein, avec l'Intercontemporain. C'est qui Pierre Boulez ? Pierre Boulez, c'est un des grands compositeurs et chefs d'orchestre actuels, encore il est toujours vivant, qui a fondé l'IRCAM, qui est cette maison bizarre à côté de Beaubourg, où c'est un centre de recherche pour compositeurs électroacoustiques. Ils ont une pièce, tu sais, une pièce où il y a du silence dedans, tu sais, totalement Oui, isolé oui, acoustiquement. Ils font oui. Tu plein peux de pas y rester recherches. plus de 10-15 minutes, sinon tu deviens à moitié fou. Exactement. Ah, c'est bien ça, je C'est vais essayer. voilà, bah, j'y suis allée dedans une fois. Et c'est très étrange, effectivement, t'as pas envie d'y rester trop longtemps, sinon tu deviens dingue. Mais voilà, Frank Zappa, c'est un artiste de musique pop qui est extrêmement respecté, je pense, de tout type de musicien, quoi. Parce que il a fait tous les styles, il était très pointu, très exigeant dans tout ce qu'il faisait. Et puis, je dis là, l'ensemble moderne dont on a entendu une version avec l'opéra de Katsu de ce que vous avez entendu tout à l'heure, a enregistré tout un disque de musique de Frank Zappa. C'est un ensemble spécialisé dans la musique contemporaine. Qui reste Voilà. encore assez vivant aujourd'hui. Il est vivant et surtout il est joué par des musiciens radicalement différents. On en apprend des choses ce soir. Enfin, en tout cas, moi, j'en apprends, c'est déjà pas mal. Ben c'est formidable, écoute, j'en suis ravie. Tu vas m'apprendre autre chose maintenant. Ça Ah. va être le moment difficile. Ah oui, le moment de la honte. Voilà, c'est le titre de la honte. Et comme le veut la tradition, je ne vais pas prononcer le titre. C'est toi qui vas assumer. Alors, c'est Ouais. quoi ta chanson de la honte? Alors c'est du Céline Dion, parce que Céline, elle Sans me la fout renée. les poils, j'avoue. Et c'est tout simplement ce qui lui a permis de remporter l'Eurovision en 1988. Ne partez pas sans moi. Oh mon Dieu. Ah. Et pourquoi? Pourquoi? Bah écoute, on dirait un chant de messe avec de la batterie. Oh non. Je déconne à peine. Mais... Bah je sais pas. Bah, c'est surtout pour le refrain, moi, que... Elle balance une voix. Non mais elle a une voix de ouf, cette meuf, quand même. Tu t'es gagné une crédibilité en 10 titres et là d'un coup, paf! Bah, mais j'assume totalement. Elle a une voix impressionnante. C'est pour qui s'est essayé à chanter. Franchement, elle balance là. Bah alors, Les si vous vieux voulez synthés vraiment derrière. saigner Oh des là là. yeux, là, vous, regardez son passage à l'Eurovision, il est sur YouTube. Elle bouge presque pas. C'est vraiment le. Elle a déjà des petits tics de Céline, tu sais, genre, hop, petit mouvement de tête. Elle a une coiffure pas possible et une robe pas possible, surtout. Années 80 oblige. Mais puis bon, franchement, c'est la pire des chansons parce que vraiment le texte est pourrave, quoi. Vous, Oh les mon nouveaux Dieu, poètes, bah oui. 1988, ah ben elle a une choucroute sur la tête. Bah oui, c'est fascinant. Ah non, mais regardez la vidéo, c'est. Puis surtout, regardez la version longue aussi de l'émission d'Eurovision quand c'est passé. Parce qu'il y a une présentation où elle est dans les champs, dans un tracteur, on sait pas trop ce qu'elle fout là. Et c'est un peu la pré-vidéo pour la présenter, quoi. Et ils l'ont emmenée dans les champs, en Suisse, j'en sais rien, je sais pas où elle était. Ou si au Canada ou en Suisse, j'en sais rien. Elle représentait la Suisse. Mais bon, elle est à la ferme et je ne vois pas le rapport avec la choucroute, mais bon. Bah si, choucroute sur la tête, choucroute de la ferme, il n'y a un lien. Ouais. Et donc, honnêtement, moi je sais pas pourquoi. C'est physique aussi. Tu sais, c'est le truc. C'est comme genre, ah, oh, cette personne, elle est affreuse, mais elle me plaît. Enfin, c'est pareil, cette chanson est affreuse, mais elle me plaît. On s'en fout, tu sais. Non, non, j'assume totalement. Attention, modulation de merde. Et voilà. Par cœur, tu Et as ça, c'est putassier à mort. connu Ouais, par parce que cœur. j'avoue aussi, j'avoue, je l'ai mise dans un medley que j'ai écrit pour un spectacle. C'est là. Les pauvres, ils ont dû écouter ça. Ah bah, on l'a choisi ensemble, hein. On était tout un groupe de comédiens et moi au piano, et c'était un petit spectacle très court sur le départ, sur le thème du départ, et on l'a foutu dedans, quoi. Ne partez pas sans moi, parce que c'était absurde, quoi. ils se barraient tous de scène et elle restait toute seule comme une conne. Et c'est... Forcément, avec du second degré, ça passe tout de suite mieux, quoi. Eh bien, heureusement, parce que Céline Dion, quoi, quand même. Bah ouais. Renée. Bah, Céline Dion, je suis désolée. Elle a beau parfois chanter de la merde, mais elle a une putain marde, de crois. Voix. Je crois qu'ils disent de la marde. La marde. Un truc dans le genre. Bienvenue non, bah voilà, artistes. Céline. Et puis, c'est clair, elle est tellement... Et puis, la personnalité de cette femme, elle est tellement trop, quoi. Trop, c'est toujours trop. Ses apparitions dans les émissions, tout est trop. Elle me fait marrer. Elle peut être pathétique et en même temps, je sais pas, je la trouve vraiment sympathique. Je suis en train de voir, est-ce qu'elle a fait quelque chose récemment? On dirait pas. Oh, elle doit faire des concerts à Vegas, mais uniquement en privé, quoi. Je pense qu'elle elle fait que ça, elle bouge pas de là-bas. 2012-2013, ouais, c'est tout. Non, mais ce qui est très drôle, regardez toutes ces vidéos, par exemple, il y en a une qui est terrifiante, où elle visite Auschwitz, en fait, avec René. Oh là là. Et son fils, son premier, là. Et c'est terriblement putassier comme moment. C'est très gênant, quoi. Parce qu'évidemment, elle fait la visite, alors elle pleure. Puis à un moment, on l'entend dire à René, je suis plus qu'un porbe. Et c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Mais quel intérêt? Un autre moment où elle revient d'un concert qu'elle vient de faire, elle est à Vegas, et puis ses enfants sont gardés par trois nounous, je crois. T'as l'impression que t'as trois personnes qui vivent dans cet immense appart ou hôtel, j'en sais rien. Elle rentre, il est 2h du matin, elle fait « Oh, mais ils dorment pas! Ils dorment pas !» Et puis là, je sais pas, entre 2 et 4, il les filme en train de s'amuser avec ses mômes, quoi. Enfin, c'est une autre vie, quoi. On peut très facilement se moquer d'elle, et puis bah, en même temps, elle est toujours là, et elle chante toujours, et elle a toujours une putain de voix, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur cette personne, et je continuerai à écouter du Céline Dion, c'est tout et ce que je vous tu emmerde. Pour ta défense. C'est tout, exactement. J'assume tout, monsieur le commissaire. Bon, bah c'est fini. Merci, oh Apollinerd. Eh ben, merci de m'avoir reçu. On te retrouve où, sur les internets? Oh, sur Twitter. At Apollinerd. Comment ça s'écrit? Parce que je ne sais jamais s'il faut mettre un P, deux P, deux L. 2-L-I-N-E-R-D. Voilà. Si on a des questions sur les arrangements, ce que c'est qu'un clavecin et un mélodica, on peut te demander. Bah oui, je réponds avec plaisir. J'aime beaucoup les réseaux sociaux. Parce que j'ai l'impression qu'avec nos deux derniers invités, il y a une sorte de confrérie du mélodica qui est en train de se mettre en place. Ça me fait très très peur. Ah bah c'est très bien, j'en suis ravie. Non. Si, si. On va peut-être même faire un podcast uniquement mélodica centré. Sans moi. Et si, on t'invitera. Non, je ne serai pas là. Et merde. Donc en revanche, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at LA underscore playlist, PLAYLIST. La playlist, vous pourrez trouver toute la playlist au complet sur le billet de l'épisode et sur Spotify quand c'est possible, oui, parce qu'il n'y a pas tout, il n'y a pas toutes les bonnes versions. Par exemple, le thème de Secret of Mana, il y a la version instrumentale. Donc il faudra aller sur YouTube ou vous racheter une Super Nintendo. Ça, voilà, si vous la rachetez, vous me prévenez, hein. Voilà, on se fera une soirée Super Nintendo Mario Kart et puis Secret of Mana. Exactement. Et si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez m'envoyer un mail à barberousse@gmail.com. Et surtout maintenant, on va se quitter avec le titre libre de droit qui est... C'est quoi? Je sais plus. J'en ai choisi un, mais je sais plus lequel. Alors on va se quitter avec Elle est comme ça de Fred Oscar. Alors qu'est-ce qui t'a Merci. Plu dans ce morceau? Oh, c'était le texte. Très honnêtement, tu m'as donné une playlist de rock français, alternatif, tout ça. Moi, j'écoute pas trop ça, j'avoue. Mais je l'ai trouvée marrante, celle-ci. Voilà. Et ben, c'est parti. Ben, on vous dit à la prochaine fois. Je sais pas encore quand. Mais je vais pas en enregistrer demain, déjà, c'est déjà ça. Au revoir. Salut. Elle ne boit plus. Elle ne fume plus. Elle baise à peine et c'est comme ça que je l'aime. Elle la décerne, décerne sous les yeux. Elle est cernée par le désir des dieux. Elle a des paquets d'envie, des rires de sa léthargie. que tout soit bien fini et qu'il en soit ainsi. Elle porte en elle un peu de nous, un peu du monde. Elle porte tout le poids de son corps à bout de bras. Elle est comme ça, on ne voit plus, elle ne fume plus. Elle pèse à peine et c'est comme ça que je l'aime. Elle a des kilos, trop de kilos en trop. Elle se trouve pas belle. Elle a le ventre qui grossit, les tétons, le derrière aussi. Elle a jeté ses habits de rage, c'est ainsi. Elle porte en elle un peu de nous, un peu du monde. Elle porte tout le poids de son corps à bout de bras. Elle est comme ça, elle ne boit plus, elle ne fume plus. Elle baise à peine et c'est comme ça que je l'aime. Quand elle sent bouger le pied de son moutard, elle change tout le temps d'humeur. Dépendant à chaque heure des bouffées de chaleur, parfois elle a au fond des yeux des larmes de croco. De supporter tout ça, elle en a plein le dos. Elle porte en elle un peu de nous, un peu du monde. Elle porte tout le poids de son corps à bout de bras. Elle est comme ça, elle ne boit plus, elle ne fume plus. Elle baise à peine et c'est comme ça que je l'aime. Et c'est comme ça que je l'aime. Et c'est comme ça que je l'aime. Et c'est comme ça que je l'aime. Et c'est comme ça que je l'aime. Elle est comme ça.